Salut Charline. Et les autres alors? Je crois que tu peux compter sur moi dans cette équipe. Mais ça va pas, mais il reste deux émissions tout de même. Salut les amis, je vous demande pardon, c'est à cause des taxis. Ah bah oui, c'est toujours la faute de quelqu'un de toute façon. Mais tu connais le chemin. Ah oui. Bah tu sais pédaler. Ah oui. Bah tu prends un Vélib et tu viens. Moi je soutiens le mouvement des taxis. Oui, mais donc t'es venu comment? En Uber. Et voilà, ça c'est la meilleure. Félicitations. Et quand on est arrivé, tu sais quoi? Je vais péter les dents. Ah oui. Super, ça suggère alors les taxis. Salut les amis. Problème de taxi, je suppose. Non, moi je viens à pied, donc à part une grève de semelle. Ah, elle est drôle celle-là. Pourquoi t'arrives en retard? Comme il y avait grève des taxis, je me suis dit vous seriez en retard, donc je me calque sur vous. Non, quoi, mais je crois pas ça, enfin. Mais c'est tellement français ça te pose un problème de travailler si les autres bossent pas, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est logique, non? T'aurais dû témoigner dans Le Point, tiens, il y a encore un article sur qu'est-ce qu'être français. Ouais. Ah bon, c'est un excellent sujet. Ah oui, très bien, on avance quand même. Et les filles, elles sont où? Bah, taxi, évidemment. Mais c'est une série ou quoi? Il y a un article sur la série télé dans Le Parisien, ça fait un sujet 3, non? Voilà. Alex, elle est pas terrible cette chute sur les séries quand même. Je sais, c'est la fin de l'année, la vanne sur les semelles était pas terrible. Ça se voit. C'est pas grave, allez c'est parti. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Qu'on mange comme une semelle. Et voici les trois informations qui vont finir en tranche jusqu'à 18h. Depuis un an, les taxis et les Uber se mettent sur la gueule avec un point d'orgue. Aujourd'hui, un sacré bordel autour de Paris, dans toute la France. Le taxi driver parisien s'est préparé au combat. Le chauffeur de taxi recherche une cible. Il se prépare pour le seul instant de sa vie qui aura enfin un sens. Hier, l'Express se demandait qu'est-ce qu'être français. On a donc aussi posé la question. Ce matin, Le Point se demande comment peut-on être français. Alors on va donc se reposer la question. Je suis qui? Je suis François le Français. La nouvelle génération des scénaristes français est-elle capable de rivaliser avec les productions américaines? Ça dépend si la télévision française les laisse s'exprimer. Heureusement, il y a les séries allemandes. Ouais, hein. Ça nous permet de pas non plus nous taper la honte dans toute l'Europe. Et pour cuisiner ces trois informations, je suis accompagnée du cordon bleu de la blague, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui, pour l'avant-dernière de cette émission, une tablée de survivants, à 17h20, s'il vous manque cet été. Quand vous entendez une musique bizarre, ouvrez le livre La philo pour les nuls et lisez au hasard un mot par page. Vous aurez l'impression d'être dans une chronique d'André Manoukian. Bonjour André. Bonjour Alex, bonjour Charline. On va parler d'un festival qui a lieu à Royan et qui s'appelle Violon sur le sable, avec un orchestre symphonique posé sur une plage, un vrai répertoire classique formidable et 50 000 spectateurs qui regardent ça toutes les années. C'est au mois de juillet. Oui. À 17h30, s'il vous manque cet été, sur la plage, achetez une glace, elle vous servira de micro, trouvez un étranger qui ne parle pas français et posez-lui des questions sans vous soucier de ses réponses. Vous aurez l'impression d'être dans une chronique de Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je vous propose une chronique Le meilleur des gens d'un an de Moment Meurice. Et une chronique et un savoir-faire résumé, souvenez-vous, par Maxime Le Forestier. Vous êtes formidable, vous avez une façon de jouer au con pour nous faire dire des conneries qui est vraiment magnifique. Voilà, merci Maxime, il a tout pigé. Et à 17h40, s'il vous manque cet été, allumez votre téléviseur, regardez du basket, puis allumez la radio et mettez le commentaire d'un match de football. Écoutez en boucle l'album de Gérard Darmon, vous aurez l'impression d'être dans une chronique de Samir Bouadi. En quelque sorte, salut les gars, les filles et tout ça. Moi je vais vous parler un peu d'OM, de Mercato et de choses un peu friquées, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis la seule fille autour de cette table. Je ne m'en plains pas. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous jouez dans Un monde sans pitié d'Éric Rochon en 89. C'est l'année de la chute du mur de Berlin et du premier épisode des Feux de l'amour sur TF1. Vous jouez dans Lady Chatterley de Pascal Ferrand en 2006 quand Stéphanie de Monaco hurle comme un ouragan. Et on vous retrouve au théâtre dans Qui a peur de Virginia Woolf en 2014 quand Valérie Trierweiler publie Merci pour ce moment. Donc vous êtes. Je dis mon nom là. Ouais, Hippolyte Girardot. Comment? Hippolyte Girardot. Encore? Hippolyte. Ah oui, c'est lui. Cette classe. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. j'annule tout. Bah ouais, c'est la classe. Oui, c'est la Girardot, classe, c'est comme ça, écoutez. Merci. Alors, Pas avoir tous les jours Maud Fontenoy, il faut aussi des gens qui ont la classe, et puis c'est tout. C'est pas bien de tailler les invités quand ils partent. Donc demain, on taillera Hippolyte Girardot. Okay, le 20e festival de la correspondance de Grignan se déroule du 30 juin au 5 juillet, avec pour thème avoir 20 ans, jeunesse et correspondance. Et un festival de la correspondance auquel vous participez, Hippolyte Girardot, quand nos échanges se limitent aujourd'hui à 140 caractères, justement, il y a un regain d'intérêt pour cette correspondance comme un objet presque perdu et qui est revalorisé aujourd'hui. Oui, moi je crois que les gens adorent s'écrire en fait, et même 140 signes, on peut dire beaucoup. Du moment que les gens s'échangent des petits mots, c'est très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que la correspondance qui mettait parfois des semaines à arriver, dans le cas de ce que j'ai à faire, c'est ça. Je pense que le temps d'attente est un temps très créateur, alors que l'instantanéité empêche parfois de se penser et de penser. C'est la grande différence avec aujourd'hui. On répond très vite à un mail alors qu'on devrait avoir le temps vraiment de le lire et de savoir que la réponse n'arrivera que dans une semaine. Je pense que c'est le temps, c'est la grosse différence. C'est pas tant les mots, c'est pas tant le nombre de signes, c'est le temps. Et ce festival célèbre ce qui est véritablement un genre littéraire. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est Grignan, c'est les pionniers, quoi, de ça. C'est une excellente idée, moi, je trouve. C'est une excellente idée. Et puis, je crois que tout le monde se sent capable d'écrire une correspondance. Donc, en fait, c'est assez populaire. Ah, André, oui, mais à chaque fois, il tue toute la forêt amazonienne. Donc, c'est pas le problème. Moi, j'aime cette idée du temps et les correspondances, c'était formidable. Et puis, au moins, sur une lettre, on peut pas vous censurer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je cours toujours après le temps, moi-même. Vous voulez parler de mon petit côté castrateur? Non, pas quand vous êtes un peu... J'adore. Quand vous me faites des petits signes comme ça, au contraire, ça me titille et ça m'excite. Hein, oui, je vous promets, Charlie. La lecture devant un public, ça requiert quelle qualité du comédien en particulier? Parce que l'écoute. Ah oui. Entièrement, il y a que ça. Parce que vous êtes seul, alors là. Oui, mais c'est l'écoute. C'est que l'écoute qui compte. C'est que l'écoute. Ouais. C'est-à-dire. Alors l'écoute de qui, de quoi? Du public, c'est extraordinaire. J'ai fait une lecture d'un livre qui va sortir à la rentrée au Studio 28 il y a deux jours, invité par Olivier Cohen, le patron de l'Olivier, des éditions d'Olivier, qui va sortir une somme de David Foster Wallace. C'est 1500 pages, c'est un livre somme. Ils ont mis je ne sais combien d'années à le traduire, etc. Bon, c'est magnifique, je n'ai lu que des extraits, évidemment. Et ce qui était formidable, c'était que des libraires qui m'écoutaient, puisque c'était fait pour ça. Et quand j'ai commencé un texte sur un dortoir, un texte assez bizarre, sur un dortoir très difficile à dire, selon moi, mais enfin, il fallait le dire tout de même, j'ai ralenti parce que j'avais peur de me planter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le public qui était là a ralenti. Complètement. Le silence s'est fait. Les gens ne bougeaient pas. Et je jouais avec ça uniquement sur l'écoute. C'est leur écoute qui a dicté mon rythme. Et ça, c'était génial. Et c'est ça la lecture, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez à palper comme la respiration. Moi, c'est même pas. Et à la diriger comme un. Oui, c'est pas scientifique. C'est comme. C'est comme si, par exemple, je touche Alain, par exemple. André. Mais allez-y, touchez-moi, j'aime bien. Et si je commence à toucher André comme ça, les caméras ne tournent pas, donc on est tranquille. Quand on a touché, je sens quelque part que peut-être à cet endroit-là, sur sa peau, ça chauffe. Il y a un échange. C'est vrai, ça chauffe. Voilà. Alors, ça existe aussi avec les oreilles. Ça existe, évidemment, avec tout ce qui nous entoure. Et nous, les musiciens, on connaît ça aussi. Parce que quand on joue devant quelqu'un qui est à l'écoute, tout d'un coup, on fait pas de fausses notes. Et si la personne comprend pas ce qu'on est en train de faire, on le regarde pas, on se met à bafouiller. C'est qu'en fait, le discours, il va rentrer dans la personne, ok, l'écoute de la personne nous revient, et là on est dans une spirale tantrique, en fait, tu vois ce que je veux dire, spirale je te tantrique. Donne mon énergie, tu me donnes ton énergie, je reçois mon énergie augmentée de la tienne, et comme ça tourne. C'est devenu un genre théâtral en soi, l'échange épistolaire, parce qu'il y a eu un gros succès qui était inconnu à cette adresse, qui a joué presque pendant un an et demi, Love Letter, ça a fonctionné aussi. Est-ce que, malgré tout, de ces correspondances-là à Grignan, peuvent naître des pièces en tant que telles? Oui, je pense. Ça, faut pas être trop ambitieux non plus. Je pense qu'il faut se calmer, quoi. C'est quand même pas du théâtre. Hein. C'est vraiment un truc de conteur éventuellement. On est quand même en train de lire un texte, c'est-à-dire qu'on n'a rien appris. C'est un peu différent. De là à en faire un spectacle, je pense qu'il y a une marge. Mais ce que je crois, c'est le côté pauvre, presque. On est arte pauvre là de la lecture. Je pense que les gens, ils aiment aussi ça. Il y a quelque chose de sincère. Oui, non, et puis de. Vous savez, c'est exactement, pour moi, l'analogie, c'est quand on a un enfant et qu'on lui raconte des histoires le soir. C'est exactement cet échange-là qui se passe. C'est la voix qui porte, c'est les images qui commencent à naître uniquement avec des mots, c'est l'apprentissage du langage. Oui, mais si les gens s'endorment, c'est vexant, là, pour le coup. Mais moi, je suis contre cette idée. Moi, pense que dormir dans un spectacle, dormir un film... Ça va faire plaisir à Vincent Delerme. Non. Mais je pense si vous êtes quelque part et que vous dormez, il se passe quand même des choses dans votre cerveau. Croyez-le. Des choses dans votre cerveau. Même oui, toi, Guillaume. Non, mais parce que moi, je me vexais quand les gens s'endorment à mon spectacle, je me vexe. Mais pas du tout. Effectivement, de toute façon, c'est leur façon d'écouter votre spectacle. Vrai. Faut pas se vexer là-dessus, franchement. Hippolyte Gérardot est en notre compagnie. Il participe au 20e festival de la correspondance de Grignan du 30 juin au 5 juillet. On va avoir l'occasion d'en reparler. Vous nous toucherez un mot de la lettre que vous allez lire, bien sûr. Vous êtes sur France Inter. Écoutez ça, Guillaume Meurice. Ça va vous calmer. Loser qui est un mot qui est entré dans le dictionnaire cette année. Eh oui. Avec la photo d'André Manoukian. Oh, non, il est entré au dictionnaire en même temps que BHL. Ah voilà. C'est sur rigolo. France Inter, nous sommes en compagnie d'Hippolyte Gérardot qui vient nous parler du festival de la correspondance de Grignan qui se déroule du 30 juin au 5 juillet et autour de cette table, Alex. Eh bien, celui qui a dit de méchanceté, c'est Guillaume Meurice. Celui qui l'a bien pris, c'est André Manoukian. Et celui qui compte les points, c'est Samir Boit. Allez, la correspondance avec la presse. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. La grève des taxis a du bon pour... une personne. Oui, et c'est l'instigateur de la seule loi qui régule l'activité des voitures de transport avec chauffeur. Il était l'invité de la matinale de France Info ce matin. Bonjour Thomas Thévenou. Bonjour. Comment êtes-vous venu ce matin? C'est une question simple. En VTC. Et oui, et je voudrais dire au chauffeur de VTC qu'il n'oublie pas d'envoyer sa facture et même des rappels s'il le faut, parce que Thomas est d'une grande distraction. Grève des taxis toujours, Frigide Barjot apporte son soutien aux taxis. Oui, surtout à ceux qui ne transportent pas de couple Uber sexuel. Passons au procès d'Éric Zemmour. Oui. L'Express.fr titre « À son procès, Éric Zemmour demande au tribunal d'arrêter de... » pinailler sur les chiffres. Voilà, donc lui, il peut écrire des livres où il fait dire ce qu'il veut aux chiffres, mais le tribunal ne peut pas. En gros, c'est ça. C'est ça. Et alors, je vous lis une partie de l'article. Élégamment vêtu d'un costume bleu nuit et d'une cravate prune, le polémiste n'a eu de cesse de revendiquer ses propos. Oui, et ça, on le changera plus. En tout cas, le procureur a réclamé 5000 euros d'amende et je suis assez inquiet pour le jour où on va rendre le jugement. Éric Zemmour. Je peux pas vous laisser dire ça. Je n'ai rien dit encore. Ah oui, mais ça m'est égal. Vous êtes né en 58 à Montreuil. Oui, je le regrette. Montreuil, c'est rempli de gens. Enfin, je vous fais pas un dessin. Non, c'est justement pour ça qu'on vous juge. Oui, et ben jugez. Vous devriez laisser juger des vrais professionnels. Je pense à moi, par exemple. Bon, je juge. Écoutez, vous êtes condamné à 5000 euros d'amende. Je peux pas vous laisser dire ça. Et je m'en fiche. Je touche le double sur RTL par mois. Mais taisez-vous. Ah non, ça c'est encore plus cher que 5000 euros. Et on passe à une info en Allemagne. Avec ce titre, il trouve des enveloppes contenant 175 000 euros et les rapporte à la police. Patrick Balkany s'est dit choqué par cette information. L'idée que même le policier n'ait pas pris l'argent l'a complètement déstabilisé. Et on termine par un détour par l'Australie. Oui, sur le Figaro.fr, on lit ce titre. Une Australienne de 35 ans paralysée car son jean s'était trop serré. C'est un jean slim qu'elle a mis trop serré et qui lui a causé de multiples œdèmes. Rappelons que pour enfiler un jean, il faut enfiler chaque jambe séparément hein, et pas les deux jambes dans le même... Mais c'est ça le service public aussi, merci. C'est le service public d'information. Appelé Girardot à 17h24 sur France Inter. Consterné un petit peu. Hein. Pas consterné, non, ça va. Il faut y aller les gars quoi. Il s'endort, c'est bien. Commence à dormir, ça passe très bien. Allez, jusqu'à 18h, on grille donc l'actualité comme des merguez à une manif de la CGT ou à une manif des taxis. Aïe. Parce qu'aujourd'hui, c'est la baston entre Uber, Uber Pop, taxi, Snap, je sais pas quoi, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Ces gros râleurs, là, qui vous prennent que quand ça les intéresse? Qui vous engueulent quand vous avez pas la pointe, que le pourboire n'est pas à leur goût? Hein? Et puis alors, vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la Sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah, Sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels! Et alors, pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là, vous avez un couple gagnant, là. Vous n'êtes pas marié avec une concierge, au moins? Non? Eh ben, vous me rassurez, là! Un extrait de Taxi. C'est un sujet qui traîne depuis un an, qu'on n'a pas vraiment abordé dans cette émission. Pourtant de fond, hein, qui soulève les problèmes. Mais c'est pour ça que c'est le bordel aujourd'hui. Parce que c'était très parisiano-parisien. Alors maintenant, ça y est, ça concerne toute la France. Et ceux, bien sûr, qui ont le moyen de taxi. Ou ceux qui sont embrigadés dans les bouchons à cause des taxis. En fait, les taxis parisiens, ils n'ont pas vu arriver les Américains. Ils sont fait niquer par les Américains, en gros. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle ou pas, vous, Hippolyte Girardot, ça vous, bon, non, ça vous amuse? C'est les à côté de la libéralisation mondiale, quoi. Voilà, ça fait partie du reste, quoi. C'est normal. Il y a un petit coup de pied au cul au taxi parisien, est-ce que c'est plutôt positif ou bien vous avez un petit côté Frigide Barjot? Non, c'est pas ça, c'est que moi quand je prends un taxi, je discute avec les mecs, il y en a plein qui se font bien niquer avec ces histoires de licence, etc. Mm-hmm. Et qui ont bien les boules quoi. Et en général, c'est quand même pas des richards ces gens-là. Donc c'est un peu et en plus les gens qui travaillent pour Uber ou machin, eux-mêmes se font gravement niquer quoi. Et donc tout le monde est très content de se retrouver dans un système ultra libéral en disant que c'est joyeux. Quant à ceux qui prennent Uber, ils adorent se faire traiter comme des richards avec une petite bouteille d'eau, des bons becs et un mec en chemise. Ils se la racontent d'une manière mais moi je trouve indécente. Et en plus la plupart pensent à gauche quoi, tu vois. Ils pensent à gauche mais ils appellent Uber sur leur iPhone 6, y a, tu vois, il y a un truc, ça pue, c'est quoi. Vachement bien ça, résumé. Non, mais ça pue, quoi. Sans déconner, ça pue. Alors, moi, je trouve que par rapport à ça, un gouvernement de gauche. Hein, ah bon? Oui. Ah, où ça? Oui, attendez, non. Mais ici en France, bon, on va parler de qu'est-ce que français ensuite, hein, je te raconte le sommaire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois qu'un gouvernement de gauche n'a pas vraiment les couilles de savoir ce qu'il faut faire, c'est la fin de la saison, ça s'arrête. Après, ça sert à rien de dire ça. Aucun engagement, Charlie. Excuse-moi, facile. Et à un moment donné, ils se retrouvent à faire, tu vois, deux poids, deux mesures. Ils ne savent pas très bien comment argumenter là-dedans. C'est un gros piège, quoi. C'est un gros piège ingérable. Mais c'est à eux de le gérer quand même. C'est eux qui. C'est au gouvernement qui vend les licences. C'est à nous. Bah, c'est-à-dire que c'est Thomas Thévenoud qui a le dossier. Pourquoi ils vont prendre Uber? Parce que c'est moins cher, mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est moins cher, mais pas à ce point, tu vois ce que je veux dire? Pas parfois, à ce oui. point. Il y a du snobisme. Il y a du snobisme. On t'ouvre la porte, excuse-moi, tu alors, vois. Uber, ça va très vite. Alors, pour l'avoir testé ce matin, pour la première fois de ma vie. Oh là là. Non, mais j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait, je m'intéresse au truc. Que, non, mais, elle est morte, elle est hyper belle. Non, mais pour réserver son truc, là, on a à peine, on cherche un peu, on a à peine touché du doigt. Et on voit, il arrive dans une minute. Quoi? Comment on fait? Et puis après, pour l'annuler, vous trouvez pas comment l'annuler, et puis on vous cherche. Mais et c'est comme Tinder, vous avez remarqué, sauf que là c'est un taxi qui arrive et puis sinon c'est une bonasse. Elle est en bas dans une minute, ceci étant dit, on ne sait pas quoi faire. Il y a quand même des taxis, parce que rapidement il faut prendre un peu la défense de ces gens-là. Moi, il y a quand même des taxis qui puent, qui te parlent alors que tu n'as pas envie de parler, qui ne t'emmènent pas vraiment là où tu vas, qui te font tourner dans Paris. Et le dialogue, alors ça m'y revient. J'ai tout essayé. Il y a plein de taxis super. Je suis d'accord sur le côté snob. Quel sujet de bobo parisien, c'est dingue. Vous ne voulez pas quelque chose de plus innovant, plus moderne, plus aimable? Voilà, le monde évolue, quoi. Merde. Beaucoup parisiens, il y a des Uber partout. Hein. Là, ça a concerné toute la France qui est paralysée. Bah oui, en tout cas, oui, on sent que ça enflamme les foules. Ah, on se croirait sur RMC. Restez avec nous. Vous êtes sur France Inter. Dès que ça parle de taxi. Et nous sommes en compagnie d'Hippolyte Gérardot et de... C'est vrai que moi, je vous appelle des fois Alain Manoukian aussi. Mais non. Mais c'est André Manoukian qui est avec nous. Mais oui. Et c'est magique. Je vais vous raconter une histoire. Alors allongez-vous quand même, parce que ça peut durer un moment. Vous n'allez pas vous endormir. C'est un festival qui s'appelle Un violon sur le sable. Le 25, 28 et 31 juillet sur la plage de Royan. Et c'est un truc incroyable. Vous avez encore une fois un orchestre symphonique qui est posé sur une plage. C'est l'orchestre symphonique de l'opéra. Donc ce sont des musiciens exceptionnels. Vous avez une suite de solistes qui vont défiler. Et c'est un festival qui est gratuit. Vous avez 50 000 personnes qui sont assises sur cette plage. J'ai eu l'honneur d'y jouer l'année dernière parce que j'étais invité. C'est une expérience qui est unique. Comment cette affaire a commencé? On est dans les années 80. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Tranchet, il habite Royan, et il est passionné de musique, donc il fait une des premières radios locales qui s'appelle Royan Fréquence. Voilà-t-il pas que ce jeune homme, à l'époque, tombe amoureux d'une jeune fille? C'est pas possible, André! Mais si! C'est pas vrai! Mais non! Et alors, la jeune fille est tellement belle, et lui, il se dit, oh là là, mais comment je vais faire? Vous savez, parfois, vous êtes sidéré. J'ai essayé des fleurs avec Charline, j'ai tout essayé, mais parfois, la montagne est tellement haute où on se dit, comment on va faire pour escalader cette montagne-là? Moi, vous êtes engagé pour l'an prochain, ça, c'est, calmez-vous. Le truc, c'est que... vous voulez m'escalader, Philippe Tranchet, il se dit, sa fiancée, elle est tellement jolie. Il a un copain qui joue du violon, mais c'est pas n'importe qui. C'est ce violoniste-là. Dommage que Clara soit pas là, parce que ça, c'est Jean-Jacques Goldman. Voilà. Ce violoniste, il s'appelle Patrice Mondon. Il est violoniste à l'opéra et c'est lui qui fait ce solo-là. Il se trouve que c'est le copain de Philippe Tranchet. Alors Philippe, il lui dit, voilà, j'ai un truc, demain, je l'invite, coucher de soleil sur la plage, il a choisi son endroit, tu vois, avec pour qu'il y ait un petit contre-jour. S'il te plaît, si tu pouvais venir avec ton violon, à un moment donné, tu jaillis comme ça, et puis tu joues l'aria de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Mais ce que je vais te demander, c'est que tu me la joues en queue de pie, parce que un violoniste, ça, hein, on est un petit peu comme un chauffeur d'Uber, il doit avoir une cravate, vous devez avoir votre petite verre d'eau derrière, il doit vous ouvrir la porte. Il y a des rituels dans la musique classique qui sont immuables. Un violoniste, quand il joue, il doit être en queue de pie, même s'il est pieds nus, les pieds dans l'eau. Et ben, c'est ce qui va se passer. La jeune fille arrive, il y a une table qui est dressée, il y a une coupe, il y a deux coupes de champagne qui sont là, il y a la bouteille dans le soie glace, et tout d'un coup, Patrice Mondon jaillit avec son violon et lui joue cet air-là avec le playback, parce que Philippe Tranchet, il a tout calculé, hein. Il y a le playback de l'orchestre qui joue sur des haut-parleurs et lui, il joue. En même tout temps, ça, les pieds dans l'eau, c'est hyper dangereux. Tout ça, les pieds dans l'eau. Comme c'est un homme de radio, le tout est retransmis à la radio. Mais qu'est-ce qu'il voit, Philippe Tranchet? Il voit que ce violoniste sur cette plage produit un effet incroyable. Il voit que les gens commencent à s'attrouper et il se dit, mais ça, c'est une expérience qui doit être remise. L'année d'après, ils sont 4 violonistes. L'année d'après, ils sont 8. 30 ans plus tard, ils sont 50 violonistes avec des solistes incroyables. On va, alors, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait un mélange des genres. Il y a des musiciens classiques formidables. Il y a la soprano française Patricia Petitbon. Il y a le pianiste Bertrand Chamaillou. Il y a le violoniste virtuose Nemanja Radulovic, la jeune violoniste. Il y a des stars de la musique classique, mais il invite aussi des gens qui ne font pas partie forcément de ce sérail classique. Et il va faire des mélanges avec des arrangeurs qui ont beaucoup de talent. Vous allez vous retrouver à jouer votre musique avec un orchestre symphonique. Par exemple, il y a ce guitariste incroyable, Juan Carmona, qui est un dieu du flamenco. Donc imaginez-le lui en train de jouer avec 40 lascars derrière au violon. Et vous avez 40 000 personnes, 50 000 personnes sur la plage. Il y a aussi des concours d'improvisation, ça c'est fabuleux. Dans votre chronique quoi. Oui c'est ça, il y a Jean-François Zigel, on lui fait une spéciale dédicace, qui fait un concours d'improvisation, deux pianos qui sont sur un court de tennis, avec un arbitre qui doit juger. Alors une battle c'est quoi? C'est deux pianistes qui se répondent, et l'arbitre fait ça comme un match de tennis. Cette année il y a peut-être Noah qui va passer pour faire l'arbitre. C'est-à-dire que le mélange des genres, il est tellement formidable. L'idée c'est de se dire, la musique classique n'est pas réservée à une caste, n'est pas réservée à une élite, remettons-la au goût du jour. C'était une musique populaire autrefois, les gens qui allaient voir Mozart c'était des paysans, ils avaient des poulets, quand un air leur plaisait ils disaient vas-y mon pote, et le chanteur il doublait, il triplait son air. C'était une vraie musique populaire. Il y a aussi un joueur de doudouk, le doudouk, et on va terminer avec ce morceau, il s'appelle Levon Minassian, c'est un maître. Le doudouk, c'est une toute petite flûte arménienne qui a le son d'une femme qui pleure d'extase. Ah oui, j'en ai connu une comme ça, oui. Ça, c'est une flûte? Ça, c'est une toute petite flûte. Bon, mais riez flûte, pas, André. C'est triste. Non, vous avez... Très belle flûte, André. C'est très beau. Avec une double hanche de hautbois. Alors, dans tous les films, dès que vous avez un mec qui va se faire massacrer, il y a un doudou qui est en train de jouer. Vous savez, les Arméniens pleurent un petit peu. Je vous ai déjà raconté la blague de Jésus-Christ, non? Qui marche dans le désert. Oui. Non. Je sais pas, ça dépend, elle dure combien de temps. Il voit un mec qui pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis aveugle. Jésus lui donne la vue. Ah, le mec s'en va, super content, merci Jésus. Il voit un deuxième homme qui pleure. Et toi, pourquoi tu pleures? Parce que je suis paralysé. Jésus le touche. Le mec recouvre l'usage de ses mains, merci Jésus. Il voit un troisième homme assis par terre. Et toi, pourquoi pleures-tu? Parce que je suis arménien. Alors Jésus s'assied à côté de lui et se met à pleurer. Oh, c'est beau. C'est une flûte. Ça, c'est une petite flûte en bois d'abricotier avec une double hanche. Mais pas en noyau en point noyau d'abricot. Non. Voilà, c'est l'instrument national arménien. Il est magnifiquement joué par Levon Minassian, qui a joué avec Peter Gabriel, qui a joué dans plein de musiques de films. Le morceau, alors c'est, je peux pas le prononcer, Im Ayrog Vestiz. Je sais pas ce que c'est. Sur franceinter.fr, sur la page de l'émission, on mettra toutes les références pour ceux qui veulent écouter la flûte. André, est-ce qu'à la fin, il l'a pécho? Vous savez quoi? La réponse, 25, 28 et 31 juillet sur la plage de Royan. J'engage Philippe Tranchet à dire s'il la pêche ou pas. Merci Dédé. Nous sommes en compagnie d'Hippolyte Girardot que vous pouvez retrouver au Festival de la Correspondance de Grignan qui se déroule du 30 juin au 5 juillet. Avec quelques flûtes d'ailleurs. Oui. Il va dire les pieds dans l'eau. Et avec votre lecture, c'est Neil Cassidy. Ah, c'est pas du pipeau ma lecture. Je vois PPS post-scriptum. Lis cette lettre illisible comme une suite de pensées débridées. Merci. Ça doit être assez difficile à résumer comment... C'est la correspondance entre Jack Kerouac et le jeune Neil Cassidy, qui était un voyou en fait, un mec de 19 balais, qui a fasciné tous ces gars de New York quand il est arrivé. Il s'était déjà marié une fois, il avait un gosse, il avait fait de la tôle, et c'était un fou furieux, quoi, un fou de la vie, comme l'a décrit Kerouac plus tard. Kerouac a conservé les lettres de Cassidy. Cassidy n'a pas conservé les lettres de Jack, mais on a réussi, Benjamin Guillard, le metteur en scène, la mise en lecture, ouais. a réussi à faire une sorte de correspondance entre les deux personnes. Voilà, c'est intéressant, donc on connaît bien Kerouac. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la folie, le bazar, le bordel qu'il y avait dans la tête de Cassidy, une inspiration en même temps très folle, a énormément influencé Kerouac, qui a réussi à en faire un livre qui s'appelle Sur la route. C'est très très intéressant de voir en fait l'inspiration à ce point, quoi. C'est la graine, en fait, à Cassidy. Ce sera une lecture d'Hippolyte Girardot, donc au Festival de la Correspondance de Grignan. À cette heure-ci, sur France Inter, il nous joue de la flûte aussi, tous les jours. Et sur la route, il fait un best-of de flûte. Il y a été toute l'année sur la route, Guillaume Meurice. Et oui, Charline et Alex, c'est le dernier moment Meurice de la saison, voilà. Car demain, on vous réserve quelques surprises. Et toute l'année, je suis allé à la rencontre des gens. Et je voulais rendre hommage aux gens. Car je suis comme un homme politique. J'aime les gens. Je suis à l'écoute des Français, comme la NSA. Et quand on écoute les Français, on se rend compte qu'ils disent quand même pas mal de conneries. Et je ne vais pas les blâmer parce que moi, je suis payé pour en dire. Mais eux, ils le font gratos. C'est ça que je comprends pas dans la démarche. Alors attention, ils ne disent pas que des conneries. Parfois, ils en font. Souvenez-vous, c'était au salon du tatouage qu'avait prévu de se faire tatouer ce jeune homme. Sur le pubis, j'aurai une tête d'alien avec la langue d'alien sur la verge. C'est vrai ? Ouais. À quel moment dans sa vie on se dit tiens, je vais me faire tatouer le pubis avec une tête d'alien? À quoi t'as plus de place ailleurs? Voilà, il y a toujours une sorte de logique, le fameux bon sens populaire qu'on aime bien chez les gens. Alors après, on ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Des tatouages d'alien sur la verge, de Gilles Deleuze sur l'épaule, comme Dédé, ou de Mathieu Gallet sur la fesse droite, comme vous, Charline. Oui, je suis bien renseigné. Hein. Oui, c'est la NSA qui me l'a dit. Pas la droite. Enfin, c'est la gauche, pardon. Je suis dyslexique des fesses. Dédé l'a escaladé récemment. J'aurais été vous, je l'aurais mis sous la moquette, mais ça c'est personnel. Oh là. Vous permettez que je continue après c'est une véritable escalade de blagounette. Enfin, quand je dis chacun fait ce qu'il veut de son corps, c'est pas vraiment l'avis de Xavier Dore. Souvenez-vous, c'est le militant anti-IVG que j'avais rencontré. Un militant très pieux. Je vais vous dire une chose, l'homme n'est grand qu'un genou. Alors ça, c'est un éloge de la fellation. Non, ne posez pas les questions invraisemblables. Alors attention, parce que la fellation, c'est pas invraisemblable. Moi, j'ai déjà vu des photos. Des photos de fellation. Oui, mais là, alors, non, vous ne répondrez pas à ça. Il n'a pas répondu à ça, il ne maîtrisait pas le sujet. En tout cas, ça donne une autre lecture à la locution « Prends, ceci est mon corps » de notre ami Jésus, que l'on salue. Parlons encore de corps, mais cette fois-ci, celui des taureaux, que le matador André Villard aime transpercer de part en part. Rappelez-vous, je lui avais soumis d'autres idées ludiques. Moi, j'ai envie d'enfoncer des aiguilles à tricoter dans mon chat. Pourquoi ça serait pas autorisé? Ah non, moi je n'enfonce rien. Si vous êtes un pervers, ça vous regarde, vous irez devant les tribunaux, parce que effectivement... Mais c'est la même chose. Ah, pas du tout. Pas mais du pourquoi tout. C'est parce qu'on parle de droit, et que torturer un animal domestique, c'est une chose, et tuer un taureau dans une arène, ça n'est une autre. Pourtant, c'est la même chose si j'enfonce des aiguilles à tricoter dans mon chat. Ou alors des cure-dents dans mon hamster. Et allez voir une corrida et regardez votre hamster et puis vous la verrez certainement. Bah, si je mets des petites arènes tout autour. Écoutez, on va arrêter là parce que je trouve votre interview qui devient ridicule. Ah, c'est dommage, un matador sans grande imagination. Moi, je m'y connais en maltraitance animale, c'est vrai, c'est pas un secret, j'aime enculer les mouches, mais toujours métaphoriquement, évidemment. En réalité, je ne ferai pas de mal à une mouche et c'est peut-être moins le cas de l'entreprise MBDA, un des leaders français dans le domaine de la conception de missiles. J'avais rencontré son chargé de communication pour lui poser une question somme toute logique. Donc est-ce qu'on peut dire qu'au final, la guerre, c'est bien ? La guerre n'est pas notre fait. Nous, nous sommes une industrielle, un industriel, une entreprise. Nous ne faisons pas la guerre. Oui, mais s'il n'y a pas de guerre, vous ne faites pas de commerce. Ce sont nos clients qui les utilisent. Nous ne sommes pas utilisateurs. Nous ne sommes que fournisseurs. Vous-même, vous n'utilisez pas de missiles chez vous à titre personnel. Question ridicule. Bon, ridicule également. Ça revient souvent. Ça revient souvent. Hein. Vous avez vu, il y a quand même une récurrence. Mais un ridicule qui ne tue pas. Hein, ce qui explique que je sois en excellente santé, contrairement à celles et à ceux qui rencontrent un missile MBDA. Pour rester dans la thématique de la guerre et du ridicule, restons dans le domaine du génie militaire. Génie militaire, j'aime bien, c'est un des plus beaux oxymores de la langue française. Témoin, cette discussion sympathique avec un gradé, c'était au Salon de l'Emploi. Et on n'envoie pas les gens se faire tuer. À la guerre, on n'envoie pas les gens se faire tuer ? Ben non, le but du jeu, c'est de ramener tous ces soldats. Et d'en défoncer quand même en face, non ? Hein ? Non, on fait des tours, on des tirs de barrage, des tirs de prévention. On fait la guerre pour pacifier les zones. On fait la guerre pour avoir la paix ? Ouais, on fait la guerre pour éviter que les conflits s'étendent dans les pays européens. Et oui, mais les conflits, c'est la guerre. Hein ? Les conflits, c'est la guerre. Oui, mais comment vous voulez les arrêter si on fait rien, personne. Il faut bien qu'il y ait des soldats pour les arrêter. Mais si on veut pas qu'ils commencent, faudrait pas qu'il y ait de soldats. D'abord, il faut bien. Tous les pays qui n'ont pas eu d'armée pour se défendre. Vous prenez des pays, par exemple Israël. Ils ont été exterminés parce qu'ils n'avaient pas d'armée. Bah, Israël, ils n'existaient pas. Hein. C'était une communauté. Donc ils n'avaient pas d'armée. C'est comme ça qu'ils se sont fait tous massacrer. Par exemple, le Costa Rica, ils n'ont pas d'armée. Ils se font pas massacrer. Ouais, c'est voilà. Voilà, voilà. Cessez le feu des questions. C'est pas très joli. Non, j'avoue, c'est pas très joli d'embêter un gradé. C'est beaucoup plus chouette d'embêter directement le chef des armées. Souvenez-vous, c'était au Salon du Bourget il y a quelques jours. Monsieur Hollande, est-ce que vous allez aller au stand des Falcons ? Ah, je vais aller où on va m'emmener. Je vous le promets. Pourquoi vous posez cette question ? Peut-être pour faire un petit cadeau à votre Premier ministre. Mais vous savez, c'est un très bon appareil. Voilà. Et c'est le moment précis où je voudrais avoir une pensée émue pour tous les profs de ma scolarité qui doivent se dire en écoutant ces chroniques, tiens, c'est marrant, je suis pas du tout étonné qu'ils fassent ça aujourd'hui parce que c'est vrai que je me suis pas mal exercé sur eux depuis tout petit. Alors pardon et merci. Et pardon et merci à celles et ceux sur qui je m'exerce actuellement tous les jours au bureau, hein, en particulier Nathalie, Claire-Sophie, Benjamin. Je salue leur patience. Moi, je n'en ai aucune de patience et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès fin août pour une nouvelle saison en votre compagnie, Charline et Alex. Merci à vous deux, évidemment, d'avoir permis ces chroniques. Bref, merci pour ces moments. Meurice. Merci, chier, hein, Guillaume. Regardez le suspense. Et vous serez parmi nous demain, bien sûr, mais dans un autre exercice. Nous sommes en compagnie d'Hippolyte Girardot jusqu'à 18h. On va aborder le deuxième sujet. Regardez, l'Express et Le Point font à nouveau la même une. Pas les meilleurs hôpitaux, pas les francs-maçons. Mais comment être français ? Alors nous aussi, on repose la question. Alors là, regardez, Salomon, regardez. Ah oui ? Quoi ? Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un français. Monsieur ? Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu, andouille ! T'as entendu, hein ? C'est ça, les Français. Rabbi Jacob, bien sûr. Alors, regardez ces couvertures, la couverture de l'Express et la couverture du Point. Je vais vous regarder à travers le transistor également, hein, allez-y. Il y a quand même une différence dans l'approche. C'est la même question. Comment peut-on être français pour le Point avec un drapeau français ? L'Express, qu'est-ce qu'être français avec plein de gens derrière ? Donc il y a quand même deux choix de une. Voilà, donc c'est Le Point. Hein, c'est pas surprenant aussi. Hein, mais... Hippolyte Girardot, j'ai retrouvé dans une interview, grâce évidemment à la collaboration de Nathalie Romero et Claire-Sophie Collet, vous citez Johann Sfar dans une interview en 2009. Johann Sfar qui disait « Je suis français et ma patrie, c'est le musée du Louvre ». Et ça vous avait marqué, vous avez répondu « La France est un pays souvent dans la pose, dans la conscience de son image ». Vous auriez pu contribuer au Point où plein de gens répondent à comment peut-on être français. Ouais. Vous êtes toujours en accord avec... C'était déjà en 2009, donc vous étiez un peu précurseur de cette crise d'identité Non, mais l'idée de Sfar n'était pas si con que ça, je trouve. Ça marchait, mais c'est vrai que ça manquait un peu de... C'était un peu le doigt sur la couture quand même. Quoi. Voilà. Je pense qu'on oublie, par exemple... Tu vois, on doit dire, ouais, la France, c'est le Louvre, c'est formidable. Ouais, la France, c'est le troisième marchand d'armes au monde, tu vois aussi. Alors, c'est toujours emmerdant de définir un pays par une des caractéristiques. Est-ce qu'on s'est pas passé premier récemment avec les rafales? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, comme on a loupé les rafales avec Moscou, on est descendu. Normalement, on était au-dessus, puis on est descendu. Ah, voilà, c'est ça. À cause de la part de Moscou, évidemment. Ah, oui. Ce que je veux dire, c'est que la question est mal posée, et je pense que c'est fait exprès de leur part, du point de l'exprès, la question est très mal posée, parce que ça instrumentalise cette idée. Or, en fait, c'est pas ça. C'est une question qui divise. Non, c'est pas, la bonne question, c'est pas ça. C'est comment on se pense français? Comment on se rêve français? Comment on devient ou pas français? Ça, c'est une des questions qui sont intéressantes parce que c'est presque dans la pratique, j'ai envie de dire. C'est pragmatique. C'est pas seulement idéologique. Là, c'est super idéologique, cette question. Être français, c'est hyper idéologique, même s'il y a des trucs, tu vois, juridiques, tout ça, ok. Mais en fait, derrière, on voit bien tous les débats qui commencent, qui peuvent venir avec ça. Et ça, c'est de l'instrumentalisation. Mais pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'est vachement important. Ça veut dire c'est quoi être journaliste, par exemple? Ah ben ça, moi j'en ai absolument aucune idée. C'est pas vraiment poser la question. Tu vois ce que je veux dire? Être journaliste, est-ce que c'est suivre, tu vois, les mouvements politiques en général? C'est-à-dire faire des unes, par exemple, en permanence sur le FN? Est-ce que c'est donc ramasser de l'audimat de cette façon-là? Est-ce que c'est ça, le journaliste? Ça veut dire qu'il y a plein de façons d'être journaliste et il y a plein de façons d'être français. Exactement. Donc ça ne sert à rien de regrouper tout ça dans un dossier. Donc ce n'est pas être. Ce n'est pas être. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas d'action. Or, en fait, s'il y a de l'action, moi je pense qu'il y a de l'action. Une fois que t'es français, par le sol, par le sang, etc., ça c'est réglé, on n'en parle même pas. Après, c'est comment on se pense français? Qu'est-ce qu'on trimballe comme idée? Normalement, il y a une langue, il y a un esprit, il y a surtout, alors il y a cet universalisme qui est une invention française. Il y a ces droits de l'homme qu'on appelle aujourd'hui droits de l'hommisme. Donc ça veut dire qu'on est en train de défoncer tout ça. Donc c'est difficile. Et puis être français, c'est être un tout petit peu cartésien. Et c'est Descartes qui invente la critique. Donc le français, c'est un critique, c'est un râleur, c'est quelqu'un qui analyse tout, qui dissèque tout, et y compris qui s'autocritique. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on n'arrive pas dans une période d'autodénigrement qui devient insupportable? C'était clair jusque-là et puis pas. C'était clair jusqu'au troisième mot. Et donc plutôt que de rassembler, cette question divise et enfonce le clou avec les unes des hebdos. C'est ce qu'on va retenir de ce sujet que nous avons approfondi considérablement. Heureusement éclairé par Hippolyte Girardot. Moi, c'est mon point de vue sur les journaux plus que sur la question, évidemment. N'achetez pas le point et l'express, on a répondu aux deux questions. Donc c'est bon, passez à autre chose. Voilà, oui. Voilà, est-ce que c'est inclusif ou excluant comme question? Mais je pense qu'on a la réponse. Non, mais c'est une vanne plutôt. Je sais pas, est-ce que être français, c'est se balader avec son mixeur Moulinex en marinière? Voilà, la réponse de Montebourg, c'est celle-là. Voilà. Samir Bouadi, prenons un peu le large avec un peu de chronique littérature. Sportitude. Charline, je sais que vous êtes avec Alex très, très, très passionné par le mercato, le marché des joueurs en cette période estivale. Et il ne vous aura pas échappé que du côté de Marseille, ça chauffe, mes amis. Un certain Dimitri Payet, joueur phare du groupe marseillais, auréolé du titre extraordinaire de meilleur passeur décisif, avec 16 réalisations, figurez-vous, va être transféré à West Ham, en Angleterre. Oh la vache, grosse nouvelle. Alors où je vous parle, le jeune international passe une visite médicale, on lui regarde les dents, on lui illustre un peu le poil, bref, on lui flatte la croupe, après lui avoir flatté le portefeuille. Parce que les joueurs de foot, mes amis, sont comme des chevaux, hein. Il faut le savoir, ils courent vite et ils coûtent très très cher. D'ailleurs, Marguerite Duras avait fait la comparaison lorsqu'elle avait, en 1987, interviewé Michel Platini pour le compte de Libération. Interview surréaliste, dont la lecture, quelques années plus tard, nous renseigne quant à la très relative connaissance footballistique de l'auteur, mais aussi quant à la passion tout aussi relative du joueur pour la chose littéraire. Ceci étant dit, quand une vieille timbrée tente de monter sur un jeune étalon, il n'est pas rare d'assister à une descente d'organes. Mais ceci, mes amis, est une autre histoire. Revenons donc à Marseille et au Mercato. Mercato qui risque de s'annoncer fatal. Et oui, c'est triste pour le club de la cité phocéenne en ce moment, en ce sens où les joueurs quittent le navire sous la férule d'agents toujours prompts à vivifier chez eux l'amour du maillot. Si Marseille n'est pas une ville comme les autres, paraît-il, l'OM, lui, est en train de devenir un club banal. Les joueurs y jouent le temps de se rendre compte que la saison d'après, ils ne joueront pas la Ligue des Champions et du coup, font valoir leur droit à un destin flamboyant et font le forcing pour gagner le max de fric ailleurs. Le chantage financier est devenu l'autre activité du footeux qui met en avant ses intérêts, conseillant cela par des vampires jamais repus qui, chemise blanche ouverte sur des chaînes en or qui brillent pour danser le Mia, allègre et l'air aigre que leurs clients méritent mieux. En gros, ça veut dire tu lui donnes plus de fric et il reste encore un peu, ou tu le laisses partir et c'est gagnant-gagnant. Oui, je sais, André, tu vas me dire que j'exagère, parce que toi, tu considères que dans un certain cas, un joueur a le droit de quitter un club qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. C'est vrai qu'il n'arrête pas de dire ça. Voire de son talent, mais ça, il n'arrête pas d'en parler. Tu vas encore me citer le cas de Sébastien Corchia. Il a le poster au-dessus de son bureau. Je sais, il parle comme... Il a joué au FC Erevan. Absolument, à l'époque, c'était à Sochaux, qui, pour de sombres questions financières ou tactiques, n'a pas pu aller jouer au LOSC. Enfin, maintenant, c'est réglé, et je sais que tu es très content de ce Dewey, c'est ça, parce que le LOSC, ce show, tout ça. C'était... D'ailleurs, depuis le jeune homme, fait une bonne satisfaction. C'est vrai qu'il a du talent et que dans un club comme celui de Lille, il peut l'exprimer. Tu avais raison. Donc, bref, Marseille donc, et les flûtes aussi. Et ses joueurs qui se barrent. Gignac, seul vrai star du club, parti au Mexique, ouvrant ainsi une nouvelle ère, une nouvelle voie, traçant une improbable ligne d'horizon vers des terres neuves d'exil footballistique. On l'imagine fier, entouré de pistolets roses, comme sur une fresque monumentale de Diego Rivera, de ces fresques pastels néo-réalistes qui vantent le travail acharné et le communisme charnel, n'est-ce pas, Guillaume ? Nouvelle terre de fric pour fouteux incompris, c'est comme ça qu'un joueur dit merde au sélectionneur de l'équipe. Voilà, il dit ça comme ça à la Cantona, je me casse, vous ne comprendrez jamais mon talent. Cantona, l'artiste, venu se déifier en perfide Albion, on souhaite le même sort à Gignac en espérant qu'il ne finisse pas troué de désillusions, trahi, ferré à sa lenteur comme Frida Kahlo. Donc, l'OM prend l'eau et la fracture est salée. Que va devenir ce club ? Le poumon de la ville se nécrose et le cœur a du mal à s'oxygéner. Les embouteillages des quartiers nord. Eh oui, mes amis, les temps changent. Il fut un temps où l'on venait à Marseille pour le sourire, la musique des voix et cette langueur pagnole. Accident de pagnole et autres taxis qui font la gueule aujourd'hui. Tapis, c'est fini. Et dire que c'était la ville de la bravoure. J'ai pas trouvé de rime en ourd, donc voilà. Ben voilà, la bravoure, l'amour du maillot, la poésie, c'est fini, les joueurs de foot sont cruels, et Marseille est en passe de devenir un club comme les autres. Oh, faut signaler que c'est la première fois dans l'histoire de la chronique radio que Frida Kahlo et Gignac ont été cités dans la même dire. Phrase. Exactement. Voilà. Ça c'est une première. Ça, c'est... Bravo. C'est une première. Injustice réparée. Merci Samir Bouadi. Nous sommes en compagnie d'Hippolyte Girardot jusqu'à 18h et abordons le troisième sujet. Aujourd'hui, écrire pour la télévision fait fantasmer les jeunes scénaristes. Là même, la célèbre école de cinéma, la Fémis... Les banquiers des jeunes scénaristes. Oui. Les jeunes scénaristes. Et la célèbre école de cinéma, la Fémis, vient de voir sortir sa première promo création de série TV. Tous ont pour modèle les séries américaines, la qualité, l'excellence. Ça te barbera, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi. Ça te barbera. Vous aurez reconnu les inconnus. C'est un article dans Télérama où on nous explique que, par exemple, Les Revenants ou Engrenages sur Canal+ sont les seules séries en France comparables en termes d'exigence aux séries des chaînes câblées américaines. À ce point-là, moi, je ne suis pas très série. Vous êtes un peu série, Pauline Girardot ? Moi, je suis assez. Moi, je suis pas mal série. Moi, je. Faut que je débranche d'ailleurs. Je suis très addictif. C'est super addictif. Et c'est quoi en ce moment votre. Sois gentil, s'il te plaît. Ça n'est pas facile. Vous êtes le premier à noter l'agressivité d'André Manoukian. Ouais, oui. Ça n'est pas facile de se. Voilà, le coming out de l'addict de la série. Croyez-moi, ça n'est pas facile. C'est la première fois que je le fais. J'ai vécu 2 ans en me pensant un personnage de série. Attendant chaque semaine de savoir ce que j'allais faire de ma vie, mélangeant allègrement absolument tous les épisodes de plusieurs pays, de plusieurs formats, de plusieurs personnes, et ne sachant plus où j'habitais, donc je demande pardon à toute ma famille de n'avoir été que cet addict pendant de nombreux mois. Ensuite, j'ai été sauvé parce que j'ai été invité par Éric Rochand à écrire 2 épisodes du Bureau des Légendes, et donc ça m'a soulagé, j'ai vu que tout ça n'était pas magique, mais entièrement pragmatique. Donc... je suis désormais libre. C'était une réussite, ça a été considéré comme une réussite. Comme oui. Ah, moi, j'ai travaillé sur la saison 2. On verra, ça sera peut-être une catastrophe à cause de moi. Mais enfin, je suis d'accord avec vous, le BDL, le Bureau des Légendes, saison 1 est très réussi. Ça, c'est très français, l'auto-dévalo. Hein, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'étais assez branché sur les séries étrangères pour essayer de m'en sortir, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, c'est une sorte de... Comment peut-on être français addict de séries en anglaise ou américaine? En fait, c'est le sujet de l'Express de la semaine prochaine. Et c'est ça qu'il devrait faire. Pas pour ça, faut-il prendre des taxi ou être en Uber. En fait, ils vont faire un putain de mix et ça va être ça, la couverture de la semaine prochaine du paix presque. Est-ce que vous aviez déjà ça à l'époque de Maggie, cette envie comme ça de revoir Marthe Villalonga le lendemain ou moins? Non, je n'avais pas encore eu la chance d'avoir une télévision. Heureusement pour vous. En écrivant pour le Bureau des Légendes, vous avez plus de chance que ces jeunes scénaristes qui sortent de la Fémis de cette première promo. Parce qu'il y en a un qui a été engagé à Plus belle la vie et un autre à Camping Paradis sur TF1 et un autre à Nos chers voisins. Oui. Ça moi, je savais même pas qu'il y avait des scénaristes pour ces séries-là. Je pensais que c'était tout comme ça, improvisé. Tourner, hop, puis les mecs, ils disent des trucs. Ça, c'est arrivé. Il y avait un truc de, sur une chaîne qui s'appelait A5, Berlusconi, qui avait fait quand même Voisin Voisine, qui était diffusé de, je crois, de minuit à 5h du matin. Et où effectivement, il y avait des décors dans lesquels on poussait les comédiens et ils improvisaient. Ils n'avaient pas eu la chance de voir ça. Et ce qui était génial, c'est qu'ils attendaient, que d'autres comédiens arrivent pour les jouer. On était en live, quoi. Et ça, c'était génial. Ils ouvraient les placards en disant, on n'a pas fait les courses aujourd'hui, viens. Ils payaient. Parce que le décor était vide, complètement vide, quoi. Ils disaient, ah ben non, on n'a pas fait les courses. Mais alors pourtant, je t'avais pas dit de faire les courses. Mais non, je me demande si Paul qui va arriver n'appelle pas les courses. Non, je crois pas qu'il a pas fait les courses. Ça durait des heures. Ça durait toute la nuit, tu te souviens pas? J'ai tourné avec Isabelle Huppert à l'époque. On attendait la nuit, etc. Donc on était dans une chambre d'hôtel. C'est là où on s'habille. Enfin, c'est l'image. On regardait la télé comme ça. On en revenait pas. Je pensais que vous aviez tourné dedans avec Isabelle Huppert. Pas du tout. On était là en train d'attendre. On avait allumé la télé. Ça n'arrêtait pas. Mais c'était fascinant. C'est quoi, une leçon de comédie là? Paf, une claque. Oui, en tout cas, c'était une leçon de télévision. C'était vraiment la pure télévision là. En tout cas, il y a un témoignage dans Télérama d'un jeune scénariste qui dit, enfin jeune, oui, il dit en 10 ans, aucune série à laquelle j'ai participé et dont je sois fier. Et puis on nous dit lâchez-vous, hein, chaîne de télévision, et puis on nous fait raboter tout ce qui dépasse. Donc pour l'instant, ça a l'air pas encourageant. Il n'y a pas que ça, il y a quand même des choses très réussies. Oui, bien sûr, en série, il y en a qui essaient. En tout cas, il y a de l'ambition chez ces jeunes scénaristes de faire, de se comparer, de se mesurer aux séries américaines. Ça, c'est la grosse erreur. Faut se mesurer aux séries israéliennes, danoises, suédoises, allemandes, italiennes, mais pas aux séries américaines. Je pense que ça, ou c'est pas non, oui, ça sert à rien, quoi. C'est incomparable. Et dans ces infos de news, de info, Alex Vizorek, il y aura une mini-série. Il y aura une mini-série. Hein, attendez, c'est ce que c'est. Ça sort pas de la famille ici. Scénariste amateur. Yes. What do you want? Me to go back. Needs a no to win. No problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Non, ce que vous venez de dire est scandaleux. Vous avez dit le temps passe et vous n'avez rien dit. Ça fait un an qu'on fait ça et personne n'avait remarqué. C'est à deux jours de la fin, allez, c'est petit. C'est parti. On commence par la une du Parisien qui nous annonce l'arrivée dans moins de 2 ans de voitures sans pilote. Oui, excellente nouvelle dans la foulée. La famille Schumacher a annoncé le retour de Michael en Formule 1. Koh-Lanta, de nombreux candidats se plaignent de manipulation de la production. Koh-Lanta, c'est le jeu où il faut survivre sur une île. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, aucun des candidats ne sait pas qu'ils savent qu'ils sont filmés, quoi, c'est ça? Bah non. Mais donc, s'ils veulent pas que la télé les manipule, je propose une superbe solution. Ils vont seuls sur une île et ils essayent de survivre et ils s'amuseront beaucoup. Et on termine par Manuel Valls en Colombie. Hey, gringo! Vas-y, mollo, une cuillère, ça suffit. Je sais, c'est comme les amendements à la loi Macron, hein, c'est pas la peine d'en rajouter. Tu aimes le café? J'aime le café, mais surtout, j'aime l'entreprise du café. Me gusta la empresa del café. Tu l'aimes bien torréfié? L'entreprise? Bah non, le café, tu l'aimes bien torréfié? Torréfié, j'adore, je suis un spécialiste de la corrida. Laisse tomber, gringo. Je te file ton café. Tu veux combien de kilos? 49,3. Il est malin, celui-là. Le chauffeur de taxi. Je sais pas si ça passe à la famille. Si la famille nous écoute, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, je fais rien cet été. Je peux peut-être une petite série, un petit quelque chose. Hippolyte Girardeau, merci de vous être encaillé avec nous. Bon, salut le taximan qui est intervenu. Hein. Oui, voilà. On vous retrouve au 20e festival de la correspondance de Grignan du 30 juin au 5 juillet avec le thème Avoir 20 ans, jeunesse et correspondance. On était ravis de vous avoir. On a beaucoup ri. On a réfléchi à des problèmes de fond. Je pense qu'on tient des solutions pour l'avenir. On a réglé des problèmes de fond. En tout cas, on vous voit rédac chef du Point et l'Express quand vous voulez. Merci à tous, on se retrouve vous, demain. Merci, on se retrouve demain. Quoi. C'était bien. La dernière, ce sera avec notre parrain, Bruno Gassio. Le mot de la fin est extrait d'une réunion préparatoire à la manif des taxis. Le chauffeur de taxi recherche une cible. Il se prépare pour le seul instant de sa vie qui aura enfin un sens.